Dans mon cœur, le bonheur est vide, le chagrin est plein. La beauté de la montagne sacrée, Chili, Ilumbe, la fille du soleil. Macaro d'Anvers, café Sifos. Rogeni wa Kiangana, Adida Kiese, Toto Matumona, Père Congo Villa, 6 étoiles. Toto Lucan, Pachu Batete, Micheline Malissa, Hilo. Verviers et Lombo Ricardo gâchette facile. Je sais bien que tu n'as pas un frigo à la place de ton cœur, bébé. Limbisa Ngaye, Tome Seneke, Naina Yona, Bolimwango, Toyokanaka, mon côté, la vie soit comme Bébisa. Laisse parler ton cœur, chérie. Sonny Kasso. HM Boutique, il est les belles, Maman Rose. Je sais bien que tu n'as pas un frigo à la place de ton cœur, bébé. Limissa Ngaye, Tome Seneke, Naina Yona, Bolimwango, Toyokanaka, mon côté, la vie soit comme Ebisa. Laisse parler ton cœur, chérie. Gina Kikunda. Timopolo, Olga Kalumbo, Mimé Mujika, Denis Dase, Pascal Noble, Chico de Piola, Chole Mondone, Papa Manonga, William Nkanku, Chocho Chimbumba. Milena Moli Kila Redo Esa Didia Ikoko na Yepyo Mabea Nakamba Ale Mamboko na Yepyo. Samba. Chalala.